Nous sommes jeudi le 29 août 2019. Bienvenue sur le journal dans la mi-journée. Donc voici d'abord les principaux titres. Le conseiller technique de l'administrateur communal de Movimbi, chargé du développement, indique qu'en collaboration avec les responsables des partis politiques œuvrant dans cette commune, sont en train d'entreprendre des moyens nécessaires pour assainir le climat politique. Après que des échauffourées entre les jeunes des partis CNL et CNDD-DD aient emporté une vie humaine dans cette commune. L'ancien président de la République, Sylvain Sendimanunganya, déplore le fait que l'intolérance politique persiste dans le pays malgré les appels répétitifs des hautes autorités. Président Sendimanunganya demande que des injonctions formulées au cours des réunions tenues soient mises en application. Et plus de 4000 jeunes de la province de Bouvanza âgés entre 10 à 24 ans ont suivi des enseignements en rapport avec l'éducation sexuelle au cours de ces grandes vacances. Mais les responsables sanitaires dans cette province déplorent le fait que les chiffres sont trop insuffisants. Eric Wiman est sur la mise en onde. Bienvenue à ce journal. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les travaux des méandres de la rivière Nangwa côté Kigobe Sud Extension ont déjà démarré il y a d'ici une semaine. Ingénieur Marc Rugerinyange, directeur technique du groupe Est-Ec, une entreprise qui est en train de faire ses travaux d'exécution, explique que c'est dans le but de protéger les maisons menacées par cette rivière. Il ajoute que ces travaux vont durer 4 mois. Le reportage est signé Marie-Claire Cazenet. Nous sommes à la rivière Nahangwa, au pont de la République, côté Kigobe Sud Extension, l'endroit où sont en train d'être faits les travaux d'eau cassée la méandre qui menace les maisons sur la route Mukarakara et les ouvrages construits en aval. Ingénieur Marc Rugerinyange, directeur technique du groupe ESK, une entreprise qui est en train de faire ses travaux d'exécution sur la rivière Nahangwa, explique que celle-ci prendra une autre orientation. Donc on est en train d'orienter la rivière pour casser les méandres qui se trouve à l'intérieur et un peu alléger la souffrance de ces ouvrages. Ça va partir du pont et aller tout droit jusqu'où arrivent les ouvrages en aval qui ont été construits. Donc on a à peu près plus de 200 mètres pour l'orientation à partir du pont et l'autre partie, ça sera peut-être après. Ingénieur Marc Rugerinyange donne l'espoir aux propriétaires des maisons non protégées qu'après ces travaux, il n'y aurait plus de menaces. Et à la date où nous sommes, on peut avoir l'espoir que ces maisons seront protégées. À la fin des travaux, la route sera praticable et ils pourront, cette fois-là, rejoindre leurs maisons pour y habiter. Donc, il n'y aura plus de menaces. Comme je vous ai dit que ce sont des travaux de protection, il faut que les travaux de protection puissent aller le plus rapidement possible. Et nous pensons que nous allons réduire les délais dans la mesure du possible. Ces travaux qui ont débuté le 22 août de cette année sont prévus prendre fin dans 4 mois. Merci à Marie-Claire Cazeneza. Télécommunications à présent, l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications trouvait nécessaire les textes d'accompagnement pour les services de transaction monétaire opérés par les compagnies de téléphonie mobile. Le chef de service encadrement tarifaire et concurrence à cette agence l'a dit ce mardi lors d'un atelier avec les opérateurs de ce secteur sur la transformation de la régulation du numérique Christian Nahundi reconnaît à ses compagnies le droit de faire des innovations dans leurs services tout en soulignant qu'il est difficile de les faire accompagner à chaque fois par des lois tellement la technologie avance rapidement. Je vous propose de l'écouter. La réglementation n'exclut pas que les opérateurs développent des services. Tout d'abord, ils ont donc d'autorisation d'exploitation des plateformes qui sont reconnues au Burundi, ils sont reconnus par la BRB, ils sont reconnus, même au sein de la ST, ils sont reconnus. Alors, quand ils sont reconnus, ils développent des services. D'abord, le marché est ouvert à la concurrence, donc chaque opérateur développe des offres qui entrent en compétition entre les plateformes ou entre les opérateurs. C'est une question de gagner de l'argent. Développer un service, ce n'est pas mauvais. Seulement pour certains services, souvent les services de télécommunications, les opérateurs demandent des approbations au niveau de la ST avant de lancer un service. Mais ce service peut donc être lancé et exploité, mais après dans le contenu, on constate qu'il y a d'autres qui nécessite des contrôles beaucoup plus. Peut-être qu'au Burundi, au niveau de la régulation, n'a pas cet équipement pour mesurer efficacement ces technologies. On fait souvent des recyclages et on demande souvent des équipements capables de réguler au top avec le moment. Pour le mobile banking ou les services financiers mobiles, je vous l'ai dit, ce sont des services qui requièrent pour le moment des autorisations. Il y a de la part de la BRB qui régule les services financiers, les transactions. Du point de vue technique, il y a l'ARCT. Il y a le mémorandum d'entente qui a été signé. Tout ça sont des efforts qui ont été faits pour réguler ce secteur. La réglementation est très nécessaire puisque si vous laissez les opérateurs eux-mêmes, d'abord, ils peuvent même abuser. Même les consommateurs peuvent avoir des problèmes. Propos recueillis par Moïse Misago. Je vous le dis en titre, plus de 4000 jeunes dont l'âge est composé et compris entre 10 à 24 ans se sont confiés au centre de santé Amis des Jeunes au mois de juin dans la province de Bouvanza. Les responsables sanitaires ainsi que les représentants de la Prosaride, initiative pour la promotion de la santé rurale et le développement, estime que ces chiffres sont trop insuffisants. Ils l'ont dit ce mercredi lors de la campagne de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes. C'était au village 2 de la commune Gihanga. Suez Caritas Kabanyana, correspondance. Le centre de santé Amis des Jeunes se compte à 10 dans la province de Bouvanza. Les jeunes de 10 à 24 ans sont appelés à se confier à ce centre de santé sur des questions en rapport avec la sexualité responsable, la prévention des grossesses non désirées, les mariages précoce et autres. Selon le rapport fourni par les responsables sanitaires dans cette province, 1110 garçons et 3406 filles âgées de 10 à 24 ans se sont confiés à ce centre de santé au mois de juin cette année. Selon les responsables de l'association IPROSALIDE, initiative pour la promotion de la santé rurale et le développement, ainsi que les responsables sanitaires, ces chiffres sont trop bas. Ils appellent les jeunes à se confier chaque fois à ce centre de santé pour préparer un bon avenir pour leur santé. C'est ainsi qu'une campagne de sensibilisation vient de passer plus de 3 ans sur des thèmes variés comme la prévention des violences sexuelles basées sur le genre, la prévention des grossesses non désirées, la lutte contre les mariages précoces, le dialogue entre les parents et les enfants. Et ce mercredi, la campagne était dirigée au village 2 de la commune Gihanga. Mardi, c'était le tour de la commune Musigati. Spécialitas Kavanyana, Bubanza, Radio Issa. Merci à Space Caritas Kabanyana. La coalition Bafashevigue qui plaide pour l'éducation pour tous demande au ministère de l'Éducation d'afficher les orientations pour les élèves de la 9e année fondamentale. Le président de cette coalition indique que ça serait mieux que ces élèves ainsi que des autres années et la même date de la rentrée scolaire. Je vous propose d'écouter Jean Samandari, il est président de la coalition Bafashevique. Les préparatifs vont bon trait au niveau de la rentrée scolaire 2019-2020. Et que ce soit chez les parents sont à l'œuvre, ils sont en train de se préparer. Que ce soit le ministère et l'éducation dans ses attributions aussi. Mais malheureusement, comme vous le dites, il y a des fois où les enfants qui ont terminé le cycle inférieur, pour le moment c'est l'école fondamentale, la 9e année, et qui vont être orientés à l'école post-fondamentale. Il arrive des fois qu'à la rentrée scolaire, ces enfants ne sont pas encore orientés. Mais je pense qu'il reste encore une semaine et demie. S'il n'y a pas de changement, la rentrée scolaire peut avoir lieu le 9 septembre. Et ce que nous pouvons demander au ministère en charge de l'éducation dans ses attributions, c'est qu'à la rentrée scolaire, tous les enfants puissent commencer au même pied d'égalité, c'est-à-dire ceux de la 9e année qui ont passé le concours national puissent aussi commencer à cette date comme les autres enfants. Cela donnerait un avantage aux parents puisqu'ils vont se préparer pour tous les enfants et non pas se préparer à certains enfants et d'autres ne savent pas où ils vont commencer leur classe. Donc, c'est un appel que nous pouvons lancer d'ici la rentrée scolaire, que le ministère ait déjà orienté ces enfants qui ont terminé la 9e année fondamentale. Commence à présent, l'ambassade de la Tanzanie appelle les opérateurs burundais à investir en Tanzanie à la veille de la foire commerciale organisée par cette ambassade en collaboration avec la Chambre fédérale de commerce et de l'industrie à Bujumbura. Ce vendredi, vice-ambassadeur dit que c'est une opportunité pour les commerçants de renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Dr Edmund Djuma indique ainsi que c'est l'occasion de penser comment trouver des solutions aux problèmes auxquels font face les commerçants de ces deux pays. On l'écoute. Kongamano hili ni muhimu sana. Ni muhimu kibiashara hasa katika. Cette foire commerciale est importante. Elle est importante dans le commerce, surtout dans le renforcement des relations commerciales entre le Burundi et la Tanzanie, et surtout que la paix règne au Burundi. Nous, comme les organisateurs de cette activité, nous sommes confiants que c'est une opportunité pour les commerçants de ces deux pays. Nos chefs d'État se sont convenus en 2017, quand ils étaient à Ngara, que maintenant la paix règne et qu'il faut faire le commerce. Nous sommes confiants que c'est une occasion pour les commerçants de ces deux pays d'échanger sur les défis qui les hantent et comment trouver les solutions. Je sais qu'il y a quelques défis commerciaux, surtout sur les frontières. Pour ceux, c'est une opportunité pour les commerçants de mener des discussions là-dessus et trouver des solutions adéquates. Mais nous aimerions que les commerçants burundais saisissent cette opportunité et aillent investir en Tanzanie, par exemple dans le domaine de tourisme, Kigoma est proche du Burundi. Kwenye ujenzi wa hoteli, Kigoma iko karibu na Burundi. Parlons femmes. Pour pouvoir arriver plutôt à un stade d'être une femme modèle, ça doit remonter dès le bas âge, comme l'indique Madame Cécile Christine Fitnema, chef de la colline Kilama, commune province Makamba. Elle explique que depuis son enfance, elle aimait participer dans des associations et que souvent, elle était parmi les responsables. Aujourd'hui, elle affirme qu'elle dirige la dite colline pendant plus de 10 ans. Certains gouvernés exaltent son règne sans un favoritisme. Les détails avec Vestine Boutoy. Cécile Christine Fitinema est un chef de la colline Kirama en commune et province Makamba il y a plus de 10 ans. Elle indique que pour qu'une femme arrive à un stade d'être une femme modèle, ça remonte de l'enfance. Dès mon enfance, j'étais leader. Quand il y a des réunions organisées, j'y participais. Après, certaines organisations sont venues dispenser des formations dans la pisciculture. J'ai pris les devants et j'ai sensibilisé les autres. Je n'ai jamais été isolée à la maison. J'ai toujours pu l'aider. Elle ajoute que même s'il n'était pas habituel de voir une femme diriger une colline, elle a déployé tous ses efforts pour convaincre le monde masculin de quoi elle est capable. En outre, des riverains de la colline Kirama saluent le règne de cette dernière, caractérisée par la justice pour tous, raison pour laquelle Cécile Christine Fitinema a été élue à maintes reprises. Nous l'avons élue car elle est capable. Nous sommes fiers de sa droiture, raison pour laquelle, si Dieu lui prête toujours vie, nous allons l'élire de nouveau. Cependant, le fait d'être chef de colline n'est pas synonyme de l'ignorance des travaux ménagers, conclut Madame Christine et Cécile Fitinema. Dans mon foyer, rien n'est perturbé car chaque personne s'organise pour gérer son quotidien. Il n'y a pas de temps à perdre, il suffit de s'organiser quand on est leader. Cela est confirmé par son mari, il a indiqué qu'avant que son épouse et Christine n'aillent exercer ses fonctions, ils doivent être en commun accord dans le but d'éviter des éventuels dégâts. Le secrétaire de l'administrateur de la commune Makamba témoigne la bravoure de cette femme en se révérant sur les projets déjà réalisés, entre autres la construction des 4 salles de classe sur la colline Kilama. Les projets qu'elle a opérés sont innombrables parce qu'elle s'est beaucoup investie pour construire le bureau collinaire. Et puis sur la colline Kilama, il y a aussi 4 salles de classe qui ont été construite grâce à son courage. Fabien Sengimana, chargé de la promotion du leadership, fait savoir que quand on a beaucoup de femmes leaders, on aura un impact positif dans la société. C'est important d'avoir des femmes leaders en raison notamment du rôle de la femme dans la société. Rôle lié à son état de femme, rôle lié à son état de mère avec ce que cela comporte comme impact sur l'éducation des enfants, mais aussi à cause du grand nombre de femmes dans la société. Pour enfin arriver à la promotion d'un bon nombre de femmes leaders, Fabien Sengimana demande à toutes les femmes de s'affirmer dans une société en montrant ce dont elles sont capables, puis chercher tout le nécessaire pour parvenir à ce stade d'une femme modèle. La situation est ainsi au moment où, sur 32 collines qui composent la commune Makamba, 3 seulement seront dirigées par des femmes, selon le secrétaire de l'administrateur de la dite commune. Merci à Vestine Boutoui pour tous ces détails. Les jeunes affiliés aux partis politiques dans la commune Mouvimbi de la province Bujumbura, tout comme les habitants de cette localité, demandent aux responsables des partis politiques d'être à leur côté pour calmer les esprits de certains d'entre eux. Ils le disent après que des échauffourées aient éclaté entre les jeunes de différents partis politiques, coûtant la vie d'une personne et des autres blessés au début de cette semaine en cours. Albert Mafsilitano, conseiller chargé du développement communal à Mouvimbi, indique que des rapprochements avec les responsables des partis politiques sont en cours pour assainir le climat. Le point avec Maire Richard Nyonguru qui s'est rendu sur les lieux. Ces jeunes affirment que des cas d'intolérance s'observent même s'ils ne sont pas de nature à généraliser. Ils demandent néanmoins à leurs responsables de jouer le devant de la scène dans le dénouement de telles situations, une préoccupation sur laquelle ces jeunes affiliés aux partis politiques convergent avec la population de la zone Mageyo en commune Mouvimbi de la province Bujumbura. Ils déplorent l'absence des responsables politiques au fin fond des collines pour calmer la situation. Au sein du parti Congrès national pour la liberté, CNL en sigle, l'on indique que les jeunes affiliés à ce parti ont déjà commencé à avoir des séances de sensibilisation les incitant à une cohabitation pacifique et que ce travail va continuer, nous a révélé Jean-Paul Baramama, président de ce parti au niveau de la commune Mouimbi. Même son de cloche au sein du parti au pouvoir, Abdelimana Manager, président de ce parti, nous a fait savoir que la sécurité en général était au bon fixe dans cette localité, à part cet incident qui a surgi en début de cette semaine. Au niveau administration, l'on précise que des approches de pacification conjointes sont en cours avec les responsables des partis politiques opérant dans cette circonscription. Albert Mafilitano, conseiller communal chargé du développement de Mouimbi, indique qu'une séance de pacification est prévue ce vendredi avec les responsables des partis politiques et le gouverneur de cette province. C'est après que des échauffourées aient éclaté au début de cette semaine, coûtant la vie d'une personne et deux autres blessés sur la colline Bulenza, zone Mageyo, en commune Mouimbi de la province Bujumbura. Merci à Mérichard Nyongru pour tous ces détails. Si les messages des politiciens en rapport avec l'intolérance qui s'observent ces derniers jours dans certains coins du pays sont tenus en considération, la situation devrait être relativement favorable. C'est du moins l'analyse de Sylvestre Ntibantunganya. Cet ancien chef de l'État demande à ceux qui ont le rôle à jouer de tout faire pour apaiser le climat politique. Suivez plutôt Sylvestre Ntibantunganya au micro de Richard Nyongur. Je suis régulièrement ce que vous nous servez comme nouvelle. Je n'ai jamais entendu quelqu'un, un leader quelconque, autant dans les institutions que dans les autres organisations comme les partis politiques, se plaire ou se féliciter des contradictions aussi graves comme celles que vous venez de citer. Personne, tout le monde désapprouve. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un rôle important des leaders pour conjurer ces menaces, pour conjurer ces dangers. Ce ne sont pas les populations elles-mêmes qui prennent ces initiatives, que vous voyez. Ces initiatives malheureuses, violentes, ce sont des choses initiées, inspirées, guidées par des leaders. Et dès que les leaders changent, vous voyez que les choses changent. J'ai suivi avec attention et avec satisfaction cette réunion qui a été organisée récemment ici, autour du premier vice-président de la République, des ministres en charge de l'intérieur et donc des partis politiques, mais aussi avec la présence des leaders des partis politiques, avec les gouverneurs de province. Les conclusions auxquelles cette réunion a abouti peuvent être des conclusions très innovatrices pour permettre justement qu'il y ait des élections libres demain. C'est pour vous dire que ce que le leader veut, il le peut. Et ils ont montré qu'ils veulent. Maintenant, nous devons les suivre pour que justement les engagements qui ont été pris soient des engagements qui soient traduits dans les faits, dans le quotidien. Si cela est fait, je n'ai aucune inquiétude, les élections pourraient bien se dérouler. Si ce que les leaders ont dit, ce dont ils se sont convenus, est appliqué à la lettre. C'était l'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya. Bouclons la boucle de ce journal par cette brève sportive. La sélection nationale burundaise de football de moins de 15 ans a perdu ce mercredi son premier match dans les compétitions de la CECAFA des moins de 15 ans qui se déroule dans la ville d'Asmara en Érythrée. Dans ce match de la demi-finale, les Hirondelles se sont inclinées 6-0 face à l'Ouganda. Dans l'autre match disputé, l'équipe nationale du Kenya, les Harambee Stars, a éliminé les Amavubi du Rwanda sur 4-2 après égalisation d'un but partout dans le temps réglementaire. Dans le match de la petite finale prévu ce vendredi, le Burundi croisera le fer avec le Rwanda. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Erukuiman à la manette, Mireille Kanyange à la réalisation, à la présentation, Évariste Ndzikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.